jeunes de chaque ville, chaque quartier. Tous les frères et sœurs opprimés dans le passé. Les black flambeurs qui poursuivent leurs rêves, ils croient dur comme fer, toi-même tu sais. Parce que demain nous appartient, on tient le monde dans nos mains. Tous ensemble nous sommes un. Chacun peut accomplir son destin, soldat retient bien. Toute ma vie j'ai marché sur des bouts de fer. Le système a voulu crever mes bulles d'air. J'ai grandi dans le ghetto, pour eux j'avais aucun espoir, à part dans le foot ou dans le pédo. 25 piges qu'on me traite comme un singe. 2009 la roue tourne comme un ouinge. Et l'éducation nationale est endeuillée. Parce que j'ai eu mon bac les doigts dans le nez. J'en ai vu des mecs qui se marraient quand je rappais. Mais t'inquiète, je suis passé de Manpower à Barclay. J'ai pas eu l'enfance d'Arnold et Willy. Quand ils nous respecteront le combat sera fini. Universel est mon rap, j'arrive tout droit de l'anonymat comme Joey Fried, son gars. Tu veux des thunes, fais des études et tape dur. J'suis Obama avec un sweat à capuche. Pour tous les jeunes de chaque ville, chaque quartier. Tous les frères et sœurs opprimés dans le passé. Les black flambeurs qui poursuivent leurs rêves, ils croient dur comme fer, toi-même tu sais. Parce que demain nous appartient, on tient le monde dans nos mains. Tous ensemble nous sommes un. Chacun peut accomplir son destin, soldat retient bien. Quartier nord de Marseille, Vauvelin, Villeneuve. Je dis à mes petits refs que rien n'est impossible. J'écoutais Jamel à l'époque des beepers. Qui aurait cru qu'un jour il aurait son comedy club. Pas condamné à l'échec, t'as raison Kerry. C'est notre histoire, c'est à nous de l'écrire. Comme les médias jugent trop vite, j'irai chez Ruquier, lui montrer que je rappe et que j'ai un gros QI. On a qu'une vie, maintenant ou jamais. Je me sens comme Hamilton au volant de sa McLaren. Je ramène de la couleur à Paname. Et j'ai des petites sœurs qui représentent comme Kenza Farah. Je vais chercher la victoire comme Zizou en 98. J'ai un blueprint à la Jay-Z. Je viens de banlieue, je suis moi, je suis fier. Qu'une chose à dire, yes, nickel. Pour tous les jeunes de chaque ville, chaque quartier. Tous les frères et sœurs opprimés dans le passé. Les black flambeurs qui poursuivent leurs rêves. Ils croient dur comme fer, toi-même tu sais. Parce que demain nous appartient. On tient le monde dans nos mains. Tous ensemble nous sommes un. Chacun peut accomplir son destin. Soldat retient bien. La France a besoin de ses minorités aussi. Dans les bureaux, à la télé aussi. N'écoute pas ceux qui disent que réussir est impossible. On reste les seuls maîtres de nos vies. La France a besoin de mixité aussi. Dans le sport, la politique aussi. À nous d'ouvrir les portes pour nos fils. Obama maladie, le changement est possible. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids. To restore prosperity and promote the cause of peace. To reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one. That while we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Tous les jeunes de chaque ville, chaque quartier. Tous les frères et sœurs opprimés dans le passé. Les black flambeurs qui poursuivent leurs rêves. Ils croient dur comme fer, toi-même tu sais. Parce que demain nous appartient. On tient le monde dans nos mains. Tous ensemble nous sommes un. Chacun peut accomplir son destin. Soldat retient bien. Pour tous les jeunes de chaque ville, chaque quartier. Tous les frères et sœurs opprimés dans le passé. Les black flambeurs qui poursuivent leurs rêves. Ils croient dur comme fer, toi-même tu sais. Parce que demain nous appartient, on tient le monde dans nos mains. Tous ensemble nous sommes un. Chacun peut accomplir son destin. Soldat retient bien. Yes, we can.